Et l'évangile de la nouvelle galaxie, selon saint Alphonse, chapitre 491, versets 12 à 14. Et le peuple des étoiles s'écria, où est notre Dieu? Et le prophète répondit, il est mort! Je voudrais remercier tous ces gens sans qui je me serais venu. Par passion, par liberté, lequel il fait bon, couper les chiffres devant, l'étendard sanglant, la seule force qui m'habite, réside dans le parti de ceux qui en ont à donner, donner de voix à ces gens-là, qui parlent de petits, comme d'un enfant qu'on voudrait assassiner. Derrière, il serait peut-être plus intelligent d'arrêter d'ignorer cette petite misère et oser enfin vous foutre le nez dedans. Un gouvernement libre est élu de façon démocratique. C'est l'impression qu'il donne, mais en réalité c'est loin d'être le cas. Tous les candidats de ces soi-disant élections sont choisis par la compagnie. Ce gouvernement n'est qu'une marionnette. 65% des revenus de la planète tombent directement dans les coffres de la compagnie. Ainsi, son niveau de vie est très inférieur à ce qu'il pourrait être. Les filles se battent contre ce genre de procédé, tout comme nous. Je ne suis pas un combattant de la liberté. Les gens de la confrérie sont des pirates. Avec toutes ces voix, vous ventilez votre derrière. Il serait peut-être plus intelligent d'arrêter d'ignorer cette petite misère et oser enfin vous foutre le nez dedans. Vous foutre le nez dedans. Je voudrais remercier tous ces gens sans qui je suis venu. Par passion, parler d'un pays dans lequel il fait bon couper les chiffres devant l'étendard sanglant. Il y a 100 ans, tous les êtres vivants sur Mirus furent exterminés. Les pirates. La planète se révèle accidentellement entre deux autres qui se faisaient une longue et impitoyable guerre. Piégée au milieu et sans défense, elle fut frappée par une puissante arme génocide. Une terrible pluie de feu balaya la totalité de sa surface. L'atmosphère en devint si toxique que rien ni personne n'a réussi à survivre. Je voudrais remercier tous ces gens sans qui je ne serais venu. Que par passion, vous parlez d'un pays dans lequel il fait bon. Couper les chiens devant les tendards. Rien ni personne n'a réussi à survivre.